Quand je connais des fils de pute dans la zé qui veulent pas que je me promène. J'ai que ça en tête parce qu'on n'a jamais assez trop de zé. J'ai fini matrixé, je dors plus la nuit, l'ancien je te promets. Wesh, tu me fais lequel, tu crois que tu gères, tu parles en kilo. La bouteille éclatée, gros t'exagères, je me dis c'est qui lui. Et on encaisse, tu parles, le bateau n'a pas pris l'or. Une gaffe goût pas pris, qu'un cocktail mélange presque oui. Grosse auto pour faire vibrer les pailles. Gros morceau pour faire vibrer les watts. Grosse mode noir, jamais quand je taille. T'inquiète, on maîtrise, j'gris le feu avec les watts. J'mets des coups de pédale, vitesse enclenchée. Hey, y'a plus de pédale, ma rose en danger. Allez, coups de pédale, vitesse enclenchée. Hey, y'a plus de pédale, ma rose en danger. Yeah, yeah, c'est qu'on fait tout pour la monnaie. La première nuit, on a donné. Soldat, maintenant, tu nous connais. Quitter la zone, sans bizarre les hommes. Moi je joue sur les hommes, moi je joue sur les hommes. Je veux quitter la zone, sans bizarre les autres. Moi je joue sur les hommes, moi je joue sur les hommes. T'es un big rap abonné, t'es un big rap abonné, t'es un big rap abonné. T'es un big rap abonné, t'es un big rap abonné, t'es un big rap abonné. Handek là y'a la police à dévier. Bouteille de Jack sur l'XADV. J'mets que des switch, des 3 points. J'ai cochité bien plus 3 piles. T'inquiète bien, j't'emmène dans un coin. C'est le shit qui va te mettre 2-3 gifs. Tout est bon, faites venir, va-t'en en plein.